la micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Cannibal, mamselle le son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète, mamselle Jibi me traite d'abruti. Cajibi, la mi-couchou me jette des cailloux. Cahoutou, mamselle Binet, c'est de Binet. Cabinet, oh. Le petit Mambert me jette des pierres. Bonjour à tous, on est bien dans l'émission des ados. Nous, quoi? On est dans le, on est dans le box de radio. Dans le box? La radio du museau. On est le mercredi 30 janvier 2019. Je passe la parole à Corinne. Merci Juliana. Donc nous sommes bien à Radio Gamozo. Oui. Bam. Alors, tout le monde va bien? Ah oui, ouais. Oui. Nous avons Marc avec nous, hein, qui nous accompagne aussi aujourd'hui. Oui. Et qui c'est qui est en technique là? C'est moi, voilà, tu m'étais bonjour. Côté. Et ensuite? Hein? Toi, comment tu t'appelles? Christopher, toujours oui. Là. Et à côté de Christopher? Bédidi. Bédidi. Non. Zinedine. Zinedine. Ouais, oh, super. Mais je trouve que tu me dis de mieux en mieux, Zinedine. Zinedine. C'est bien. C'est toi qui l'a progressé, Zinedine. Ah oui. Oui. Hein? Est-ce que tu peux leur dire une autre fois pour nous faire plaisir? Quoi? Zinedine. Zinedine. Oh, ouais. Oh là là, quel cours de français. Bonjour, je m'appelle Steven, toujours à rescousse. Et toi? Je m'appelle Juliana, toujours là. Là, et... Je m'appelle Camille. Voilà. Toujours présent. Donc, toujours la dernière présent. Chanson mystère. De la semaine dernière. C'était Autumn John et c'était Romain qui l'avait choisi. C'était Autumn John. Hein ouais, c'est ça. Mais il n'y a eu pas d'appel. Il n'y a pas eu d'appel, ouais. Non. C'est pas Season. Pourtant, il est connu, non? Oui. Autumn John, vous connaissiez la chanson? Non. Moi aussi, je la connaissais, Corinne. Allez, dis Camille. Elle l'a dit. Oui, Timothée. Moi, je ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Remarque, j'ai entendu les jours derniers qu'il arrêtait sa carrière, hein, donc... Il est plutôt jeune, alors c'est peut-être pour ça aussi que vous ne connaissez pas trop. Hein? Oui, oui. Il y a bien dans les 70 ans. Le est... Ah oui, ah bah oui j'ai hein. Des dents gros café, des dents gros café de bala. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, il y a une nouvelle chanson mystère. Hein? Qui c'est qui peut rappeler le numéro pour rappeler? Moi. Zinedine, laisse le micro. 06. Voilà. Non. Ah, 03. Oui. 60. 29, 62, 40, 40. Voilà, merci Juliana. Et voilà. Appelez vite, vite, on a envie que quelqu'un vienne à la radio. Alba. Alba. Alba. Eh ben allez, on va souhaiter qu'Albin appelle alors. Vas-y Albin. Allez Albin. Ou peut-être Benoît, parce que Benoît ce matin a dit qu'il écoutait aussi. Vas-y Benoît. Allez Benoît. Benoît. Allez Albin, qui va gagner? Albin. Qui va gagner les deux? Eh ben on va voir. Albin ou personne. Benoît. Allez, Albin ou Benoît, allez, je suspense est atteint. Allez, on écoute. Tu donnes une cadence à tes pas. Voilà, la chanson mystère. Bon, à mon avis, Albin, de toute façon, Albin, il partait quand on est par arrivé, quand on partait aussi. Puis Benoît, ben, il devait être trop occupé. Hein, il n'a pas appelé. Eh, ça fait rien, on les invitera quand même. Hein, si vous avez envie de les avoir à la radio. Ouais. Ouais. Albin. Oui. Oui. Oui. Non, oui. Ou Benoît. Albin. Je peux dire le premier, ce sera Albin. Après, on l'invitera Benoît. Oui, premier, c'est Albin. Et qui sait que vous aimeriez inviter d'autres? Émilie. Émilie. Oui. Albin. Mais c'est Adeline. Angéline. Adeline. Angéline. Madame Madame Swartenbrouwer. Monsieur Ballant. Oula, Monsieur Ballant. Ah quoi? Mais Ballant. C'est vrai. Oh oh. Emmanuel. Elle est déjà venue à la radio. Emmanuel. Emmanuel. Lorenza, elle est déjà venue à la radio. Le cuisinier du self. Elle n'est jamais venue, Emmanuel. Le cuisinier du self, oui. Moi, le village de Saint-Amé, hein. Et là, Justine. Ah oui, Justine, oui, on lui a demandé aussi. Elle n'a pas de temps, la pauvre, elle est occupée. Bah, Justine ne travaille pas les mercredis. Voilà. Elle fait quoi, mercredi, Justine? Donc, elle fait quoi? Attends, elle fait bien ce qu'elle veut, Christopher. Hein? Mais elle travaille pas. Mercredi. Donc il faut qu'elle vienne d'Épinal. Oh, d'Épinal. Pourquoi d'Épinal? Parce qu'elle habite Épinal. Épinal, c'est loin. Bah, c'est loin, c'est pas le bout du monde non plus. Hein. Et Corinne, hein? Oui. On va parler de la neige qui tombe là, la trompette là. Ah, parler de la neige qui tombe, c'est le sujet ce matin. La tempête. Oui, bah vas-y, on t'écoute alors. Il y a beaucoup de neige derrière le studio là, dehors. Oui. Derrière faites attention sur les routes là. Sur les routes, faut faire attention. Oui, ah, oui. Timothée. Nous aussi chez nous, on a la même tempête de neige. Ah bah oui, tu habites où, Timothée, tu peux rappeler? À Rochesson. Ah bah c'est sûr que c'est haut là. Oui. Oui. De toute façon, vous aviez de la neige partout chez vous. Même chez moi, j'habitais la Bresse. Ah bah la Bresse, oui. C'est haut aussi la Bresse, c'est des montagnes tout ça. Et toi, Zinedine? À Gérardmer, de la neige aussi. Ah non, il y a un grand soleil, il y a un microclimat. Non, il y a du soleil. Il n'y a pas de neige à Gérardmer? Si, il y a de la neige. Petit. Non, il y a beaucoup de neige. Un petit peu. Non, il y a beaucoup de neige. Non, petit. Si, c'est toi, il y a des rebords de neige, on voit là. Eh, là, des petits. Eh, hey, mais traite-moi d'imbécile, je passe toujours devant chez toi quand je vais te chercher. C'est toi, il y a plein de neige. Oui, non. Bon, ça y est, Zinedine. Et Corinne? Oui. Tu sais, il y a plein de skieurs à la Bresse. Il y a plein de skieurs, Ah ouais, quand je rentrais chez moi. Tu sais, vous voyez des skieurs en train de sortir des skis de leur voiture. Ah bah oui. Mais t'es pas été? Non. C'est pas bouchonné encore à la Bresse? Non, ça va. Peut-être aux vacances, il y aura plus de monde encore. Il y a de la neige? Ouais, beaucoup de neige. Tu vas voir, ça va beaucoup marcher à la Bresse, si qu'on y va. Et quoi, si tu y vas, fais attention. Fais attention à quoi? Aux skieurs. Ou je fasse attention aux skieurs? Ah oui, c'est un skieur. C'est quoi? Tu connais pas, tu sais, tu rentres dans le skieur sans faire exprès. Avec quoi? Avec ta voiture. Avec ma voiture. Ah oui, j'arrive dans la Bresse, bonjour. Corinne, achète tout ce qu'il faut pour le ski. Achète tout ce qu'il faut. Le casque, les équipements. Merci Christopher pour les conseils. Il n'y a pas besoin de casque. Mais si, quand tu fais du ski. C'est mieux maintenant de mettre des casques. Ah oui, si tu te cognes, tu fais comment? T'as un casque, t'as de prothèse. Si tu te payes à un poteau, Juliana. Ah bah, si t'as un casque, c'est mieux. Ça sauve la vie. Un coup, j'ai fait de la neige. Et puis. Ah, je me suis retrouvée dans... sur la route. Sur la route? Oui, c'était avec l'IME. Ouais. C'est dangereux, ça. Hein? Mais Corinne. Tu freinais. Moi, j'ai fini. Encore, j'avais un pote avec moi. Sur la route. Moi, gars. Sur la route. Et t'as pas pu freiner? Corée. Un bob c'est dur à un bob ça devient freiné. Je fais du bob à côté de chez moi dans une descente comme ça, que avec du verglas. Et ça glissait à mort, j'ai fini dans le talus. J'ai fini dans le talus. J'ai descendu dans le talus. Est-ce que c'est le lieu là? Non. Non, alors tu arrêtes. Non, de Kili. Est-ce qu'on est là pour faire la bagarre avec ton voisin? Non, Kili. Télé. Oui, mais est-ce qu'on parlait de la télé, Zinedine, là? Moi, je vois pas, moi. Toi, tu fais des apartés, là, avec Christopher, et tu suis pas, là. Et Corinne? C'est Corinne. Oui. Sois prudent sur les pistes. Et sur la route aussi, il faut être prudent. Roule doucement. Roulez pas trop vite, sinon vous allez avoir un accident. Écoute-toi bien. Alors, fais-le doucement, d'accord? Retiens-vous. Ne monte pas trop. De quoi? Ne monte pas trop, si t'arrives pas à faire... Ne monte pas trop. Ah, Corinne. Ne monte pas trop, ne monte pas trop. Corinne, on tient un E, ceux qui nous écoutent. Ah bah, c'est gentil pour les auditeurs. Si vous voulez aller au ski, faites attention, les routes, il y a du verglas. Bah oui. C'est salé. Bah oui, il faut... Moi j'ai glissé avec ma chaussure. Il faut pas foncer, sinon on peut glisser. Faut pas foncer. Ah oui, Corinne, tu m'as dit que tu allais samedi à la vitesse. Eh Corinne, ça veut dire tu m'as dit que tu vas aller à la presse samedi. Faire de la raquette, je crois, t'avais dit. Oh, gars! Faire de la raquette, t'avais dit, tu vas faire. Oui, on sait tout avec Christopher. Ah oui, non, mais. C'est quand il m'avait dit ça, il va faire de la raquette. C'est un journal ouvert. Bon, alors, stop. C'est une aparté. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous aviez raconté, chacun à votre tour, vendredi? Ah, bah alors, Christopher commence. Vas-y. Une femme a tué son bébé. Ah, une femme a tué son bébé. Et alors? Je sais pas plus. Bah oui, mais qu'est-ce que je t'ai dit vendredi? Faut développer les infos. C'est... Voilà, c'est bien de donner une info. Ils ont dit juste ça. Ils avaient dit son âge, 7 ans. C'est pas son âge. Oui, bon, est-ce que c'est important? Non. Mais je sais plus là, il avait combien de mois le bébé? Attends. Je crois qu'il avait 6 mois. Ou plus, je crois. 6 mois ou plus? Oui. Oui, bah, elle a tué son bébé. Voilà. Et puis... C'est quoi d'autre? T'avais dit quoi? Le patron de Renault a démissionné. Non. On est encore au sujet. La femme qui a tué son bébé. T'as dit qu'elle se rappelait plus de rien. Ouais, elle avait appelé les pompiers, je crois. Elle dit qu'elle se souvenait plus de rien. Voilà, une amnésie. Une amnésie générale. Ah. Et donc là, ça passait... Au tribunal. Voilà, aux assises à Paris. Paris? Oui. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Coupable. Elle va aller en prison, elle va prendre 10 ans. Non, plus, quand tu tues un bébé, c'est plus. Bah, 12 ans alors. 13? Non, c'est plus. 20 ans. Non, c'est trop 20 ans. Bah, après, peut-être que... Ou peut-être ils vont dire non coupable. Non coupable. Oui, peut-être qu'elle n'était pas bien dans sa tête. Au moment ah oui là, vous peut-être savez, des fois, un peu... on ne sait jamais vers quoi... Tourner. Corinne. Voilà, les jurés vont... Corinne. Oui. Peut-être qu'elle était un peu comme ça. Elle était un peu comme ça. Pas bien dans sa tête. Quelle est... Qu'elle a pas vu qu'est-ce qu'elle faisait. Elle qui tu parles? Ou peut-être elle a pris des trucs. Elle regardait pas. Peut-être elle a pris des trucs en même temps, je sais pas. Elle a pris des trucs. Pour pas boire. De quoi tu parles? Pour pas se rendre compte. Bah oui. Oui, Zinedine. Oui, c'est clairement des oui, j'ai écrasé, mais comment boum écrasé. Écrasé. Non, mais Zinedine, on est sur un sujet, là. Corinne, tu nous parles déjà d'autre chose, non, toi. Toi, tu penses qu'elle l'a écrasé? Corinne. Bah non, elle l'a pas écrasé, Corinne. Zinedine. Oui. Ou peut-être elle savait pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle faisait ça, et puis elle savait pas pourquoi. Ben oui, elle avait peut-être des problèmes de santé. Elle était pas bien dans sa tête. C'est quoi comme sujet? Une femme. Il a dit quoi, Christopher? Une femme a tué son bébé. Voilà, ah oui. Timothée, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Bah, que c'est bien triste. Ouais. Ah bah oui. Mais c'est pas gentil, c'est méchant de tuer. Ah bah oui, hein. Plus grand que quand on fait des bébés, c'est pour un an. Si on fait des bébés, c'est parce qu'on en veut, c'est pas pour les tuer. Ah, j'ai une question. Si on veut un bébé, c'est pour s'en occuper, c'est pas pour le tuer le lendemain. Ah, le lendemain? C'est rapide. Steven. Bon, ben voilà, c'était la première info de Christopher. Après, c'était quoi? Le patron de Renault a démissionné. Oui. Alors, comment il s'appelait? Enfin, comment il s'appelle, d'ailleurs, il est toujours là. Hein. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Carlos? Carlos, oui. Carlos Bones? Carlos Bones? Oui, alors, il a démissionné. Est-ce qu'il a fait des fraudes fiscales? Corinne. Et puis il a cassé de l'argent. Oui. Il s'est fait arrêter. En Chine. Corinne. Oui. Renault, c'est un magasin de voitures. Oui, voiture. Oui. Tu vois partout les voitures, oui. Tu vois partout les magasins de Renault, là. Mais il y avait Renault, Nissan. Les putes de Renault. C'est ça, c'est Nissan, oui, ils sont leaders. Il existe toujours, Renault. Oui, donc, alors, il a démissionné. Il s'est fait virer. Oui, mais alors, qu'est-ce qui est intéressant, là? Il va tuer un gros lot. Un gros lot? Des sous, je veux dire. Des grosses indemnités. Alors, je crois que Marc, il devait regarder pour toi un peu. Alors, on écoute. Bon, c'est pas encore fixé, mais il pourrait partir avec 30 millions d'euros. Oh, tout ça? Vous vous rendez compte? T'imagines, sinon, pour avoir tout ça? 30 millions d'euros. On s'en peut travailler, hein, puis on peut en donner aussi. On hein. se met à RTT. Corinne, hein. Ah, je suis choquée. Oh, choquée. Oh, ouais. Je suis jaloux. Non, c'est pas fait exprès de faire ça. Je jure, on en pique. Corinne, je suis jaloux qu'il a gagné ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Il a fait exprès, alors, sûrement. Ce monsieur-là, il était un grand directeur. Il a mis de l'argent de côté. Il a trafiqué de l'argent. Il a trafiqué tout ça. Ouais, et à côté de ça, il part avec le pactole. Moi, si je serais eux, non, chacun son tour, parce que. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, si je serais eux, vu qu'il a trafiqué l'argent, je ne redonnerai pas à eux. Je donnerai aux pauvres. Mais c'était un patron quand même, c'était le grand patron de Renault. Je ne donnerai pas au patron. Ouais. Hein. Il dégrisait tous les négociants de Renault. Patron. Oui, alors c'est pour ça qu'il mérite. Toutes les indemnités, là. Je crois que c'était son contrat, peut-être, de son contrat, qu'il a dû signer. Bah, le problème, c'est qu'on ne licencie pas quelqu'un comme ça. Et on donne des grosses indemnités. Ouais. Et si? Oui. Et 600 ans. 600 ans, il a acheté un camion, il dit. 600. Il va acheter un camion? Oui. Il va acheter un camion. Et non, il a acheté Kenny. Il a acheté Pissy. Il va acheter une piscine. Ah, c'est mignon. Bah, c'est sûr. Corinne, j'ai une question pour Marc. Stop. Si Marc, il aurait... Qu'est-ce qu'il ferait avec ça? Attends, si Marc, il aurait beaucoup d'argent, il arrêtera de travailler. Il se mettra hors TT. On laisse Marc répondre. Ah oui, sans hésiter. Ah oui. Et Marc, t'as cette ancienne villa? Une villa? Moi... J'ai pas tout bien compris. Une villa, tu sais, une grosse baraque de luxe. Ouais, par exemple, ouais. Une piscine. Mais je suis pas patron de Renault, moi. Moi, si un jour j'avais tout ça, j'achèterais un gros château. Un gros château? Moi, une Porsche. Une Ferrari. Vous avez quand même des goûts de luxe, là. Hein. Oui, une Porsche. Ah oui, oui. Une Porsche. Moi, j'en demanderais pas tant, hein. Rien que d'arrêter de travailler. Une Porsche. Oui. Moi, j'ai acheté bébé, c'est ça. Ah bah alors, Zinedine, il achèterait des toupies bébés, bah il doit en avoir un sacré paquet. Moi, j'achèterais aussi une Ferrari. Une Ferrari. Moi, j'ai une Ferrari, Zinedine. Et toi, Timothée? Rouge. Timothée? Jaune. Si tu avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu achèterais? Bah, moi, je m'achèterais. Attends, voir. Camion? Une Porsche, une villa. Non, s'il vous plaît. Toi, Camille? Quoi? Qu'est-ce que t'achèterais? Je sais pas. Une voiture? Alors, Timothée, je t'as une idée? Je sais pas. Y a rien qui te fait envie? Mais je sais pas, je trouve pas. Mais Timothée est comblé. Il a tout ce qu'il lui faut. Ou peut-être il veut les garder pour les placer plus tard quand il aura une femme. Il va payer sa femme, tu les peut-être. Placerais, toi? Tu les mettrais à la banque? Bah oui. Ah, voilà. Corinne, moi j'ouvrirais un magasin, tu sais, pour nettoyer les voitures, là. Toi, tu ouvrirais un magasin pour nettoyer les voitures. Et les voitures, tout ça. Tu continuerais à travailler? Ah oui, je serais le patron, hein. Tu serais le patron. Ah ouais, okay. Moi, je ferais coiffeuse. Coiffeuse. Oh, si j'avais tout ça. Timothée a trouvé, vas-y. Je mettrai à la banque pour plus tard. Je ferai rallye, moi. Une voiture de rallye? Et avec ma Ferrari. Waouh! Oui, bon, bah allez, pour Carlos, là, c'est bon. Et Corinne? Corinne? Oui. Pour demander aux éditeurs, tu sais, il nous appelle, tu sais, au numéro. Oui. Bah, il l'a dit, Juliana. Oui, qu'est-ce qu'il fera tout cet argent, il vous dirait? Ah, les auditeurs, qu'est-ce qu'il fera tout cet argent? On recommence le numéro. Alors, vas-y, redis le numéro, Juliana. 03 29 42 40. Alors la question c'est quoi? Okay. Qu'est-ce qu'il fera avec tout cet argent? Que feriez-vous si vous aviez beaucoup d'argent? Ah là. Hein? Ouais. Appelez-nous si vous voulez. Bon, on va voir si ça inspire quelqu'un. Hein? Bon. Ensuite, c'était quoi? Les infos. Les questions-réponses. C'est à la fin, Juju. Christopher. L'agent qui a, tu sais, du footballeur là qui a disparu là. Ah oui. Alors, ils relancent les recherches. Oui. Mais ils n'ont toujours pas retrouvé. Il y a même un sous-marin privé qui va te lancer. Oui. C'est bien, bonne info. Vous avez entendu ça à la radio. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attends. On continue les recherches. Oui, continue les recherches. Ils ont cherché partout. Oui, après, tu sais, en mer, c'est quand même profond, hein. Il faut. Savoir où j'étais. Bateau. Il faudra avoir de la chance pour retrouver. Oui, pour ça, on va dévoiler le corps. Au fond. Oui, un bateau. C'est un avion qui est tombé dans l'eau. Bateau. C'est pas un bateau, c'est un avion. Ah, il faut y aller en bateau. Ah bah oui. Oui. C'est n'importe quoi, ça. Mais si on prend toute la frotte qu'on met sur le bateau, ça va couler le bateau. Si on prend quoi? Toute la France, tout le monde entier de la France. Sur un bateau. Pourquoi tu veux emmener toute la France sur un bateau? Comme ça. Et Corinne? Si j'avais toute l'argent, ça serait un gros bateau comme l'a dit Juliana. Oui, un bateau de luxe. Pourquoi faire alors? Pour emmener tous les gens, tout le monde. Toi, Steven, Zinedine, toute la France. Et où? Tu nous emmènerais où? Non, je suis bien là, toi. Ah non, Juju. Rencontrer Mbappé. Ah non, Juju. Je suis bien ici. Faire des fêtes. C'est bien, j'ai fait sur les bateaux. Oh, c'est bien faire la fête. Oui. Ah, moi, la fête. Oui. Aller rencontrer Mbappé. Ah oui. Ah, Timothée a une idée. Vas-y. Si tu prends un bateau pour emmener toute la France, bah ça fera plus de bateaux. Ah bah, oui, parce que le premier bateau il est rempli, mais pas le deuxième. Mais il faut tous les bateaux pour emmener toute la France. Oui, toute la France. Il faudrait beaucoup de bateaux. Corinne, oui, t'as raison, Timothée. Corinne, c'est un rêve pour moi de rencontrer Mbappé. C'est un rêve. Ah, tu sais, Corinne, c'est une question. Faire une croisière. C'est quoi de ça? Oui. Je veux dire, j'emmènerai toute la France dans ma Porsche. J'aimerais une attache remorque avec une remorque et on les mettra tous dedans et on verra faire la fête avec la avec une Porsche. Il faudra un gros, il faudra une grande remorque qui fait toute la maison là. Le studio de radio. Voilà. Qui avait une autre info? Non, Timothée. De quoi tu nous avais parlé là vendredi, quand on a préparé. Que... Sur le puits. Hein? Vous n'avez pas parlé d'un petit garçon dans un puits? Si. Oui, si. Alors, vas-y, raconte, Timothée. En fait, y a un petit garçon qui s'appelle Yulan. Oui. Et il est tombé dans un puits, il a 2 ans. Oui. Et il avait? Oui, il avait 2 ans. Corinne, il est mort. Ouais. Il a 2 ans. Voilà, parce que quand on a préparé vendredi, il le recherchait encore. Mais là, il l'a retrouvé et il est mort. Le pauvre. Et ça, c'était en Espagne. En Espagne? Ah, c'était pas en Corinne, France, oui. Je veux dire, beaucoup de condoléances aux parents. Ah oui? Tout à fait, condoléances, les parents. Mm. Je dois avoir mal au cœur. Oui, Timothée, t'as autre chose à ajouter? Oui. Oui, vas-y. Il y a 5 mètres de profondeur. Oui, oui. Mais c'était un petit trou, hein, quand même. C'était pas large, hein. Ah, ça va, tu m'as dit si c'était oui, un trou. Oui, c'était un trou à peu près comme ça. Ouais, voilà. Je dois avoir mal au cœur, les pauvres. Eh ben oui. Eh ben écoutez, on va faire la première pause avec la chanson de Camille. C'est quoi? Je prends le jour. J'ai une chanson, moi. Roule. Gros. S'il vous plaît. Taisez-vous. Doucement. C'est ça, Marc, hein? Allez. Je roule. Marc, vous voulez quoi? C'est Louane ou Soprano? Soprano. Ah ben, comme tu veux, ce qui est prêt. Soprano. Bah bon, vas-y, ce sera la surprise. C'est soit Steven, soit... Les âmes en passe de lit en lit, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie, le cœur des villes, la mauvaise mine. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête. Maman, regarde comme ta fille est faite. Maman, je trouve pas de sens à ma quête. Maman, à l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se vident, ces nuits où les promesses se tissent, aussi vite qu'elle se dilapide. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles, les rêves sans thèse dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. J'trouve pas de sens à ma quête, maman. Regarde comme ta vie est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Voilà. Alors, content, Steven? Oui. Bon. Elle est bien, j'aime bien. Vous aimez? Oui. Non. Quoi, non? T'es bof. Pas trop, toi. Ça parle de maman. Oh, t'es ta maison. À l'autre côté, ta maman l'a mis pour elle. Oui, t'es Alors, allez, on termine avec les infos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qui c'est qu'il y avait? Vas-y, Christopher. La France est en froid, tu t'as dit. La France est en froid, tu t'as dit. Ah non, la France. Alors pourquoi? Je sais pas. Ah bah. Pourquoi? À cause des migrants. Oui, alors. Pourquoi aussi? Parce qu'ils croient que l'Italie, ils aident les migrants à venir en France. Ils laissent passer les migrants en France? Non, je connais pas trop en politique, moi. Crevin? On passe là parce que je sais pas trop en politique, moi. Alors. Crevin? Le travail? Ah, pose ton casque. Oui, Corinne. Oui. Qu'en fait, ils veulent pas pour... Parce qu'ils croient la France que le... qu'ils vont piquer leur travail, les migrants, que c'est pas vrai. Oui, mais pourquoi la France, elle est en froid avec l'Italie? Enfin, l'Italie est en froid avec la France. Toi, tu dis, les Français, ils croient que les migrants vont piquer leur travail. Oui. Mais là, c'est l'Italie, toi, tu dis, qui est en froid avec la France. Oui, à cause des migrants. Plus mon doigt, Zinedine. Et mon doigt est plus gros. Et qu'est-ce que... Alors, l'Italie, elle reproche quoi, là? Qu'il laisse les migrants... sans permission de venir sur la France. Il laisse passer les migrants? Oui, il autorise les migrants à passer. Ils ont raison, hein, la France. Zinedine, laisse le casque. De laisser passer les migrants. Voilà, merci. Tu veux ajouter quelque chose? J'ai dit, ils ont raison, la France, de laisser passer les migrants à venir chez nous. La France a raison de laisser passer les migrants. Qu'est-ce que t'en penses, Yami? Oui. Oui. Oui, quoi? On laisse passer les migrants. Parce que Corinne... Non, oui, ça me suffit pas. Oui, quoi? Tu dis oui, t'es d'accord? Oui. Ah. Corinne, oui, mais... Pas Corinne. Un peu plus, Camille, hein? Oui. Parce que s'ils viennent ici, c'est pour échapper à leur... à leur pays. Qu'est-ce qui se passe dans leur pays? La guerre, la famine. Alors, ils veulent pas qu'ils soient tués, c'est pour ça. Ben oui. Moi, si je pouvais, je ramènerais chez moi. Les migrants. Si tu pouvais, t'en prendrais chez toi? Ouais. Bah, tu te feras arrêter, Zulana. Mais non. Pourquoi elle se fera arrêter? C'est pour un migrant sans autorisation. Prison, hop. Ah, je vais en prison matin, d'accord. Alors, vas-y, mais j'ai volé les menottes. J'irai. Zinedine. Ah, ils m'ont sacré de nez en plus. Zinedine, si tu as besoin d'un mouchoir, tu le dis. Ouais, oui, non. Tu en veux un? Oui, oui ou non? Et oui. Bon. Bah, demande. Hein? Parce de mettre le. Eh oui, depuis pas plus. Pourquoi tu touches les micros, tu touches les mains de marque et, Oui, j'en connais d'autres, moi. Hein, des fois, Touche pas, t'as mis de donner. Ah, mais touche pas. C'est toujours facile de faire la morale aux autres. Hein. Bon, s'il vous plaît. En plus, c'est une idée de ces coups de nez. À la prochaine émission, vous ne serez pas l'un à côté de l'autre. Mais c'est pas moi! On est d'accord. Ok, mais c'est pas moi, c'est Zinedine, il me cherche. Il te cherche. Il vient m'embêter. Bon, allez, l'autre info, c'était quoi? Les questions. Les questions. Non, c'était Zinedine qui l'avait dit. Ah, l'avion qui se crache. Non. Zinedine, qu'est-ce que tu avais dit? Tu sais plus. Ah bah tant pis. C'était quoi? Ah bah non, c'est trop facile ça. Alors, qu'est-ce que tu avais dit? Bah sinon, parle-nous du foot. T'as regardé le foot peut-être? Oui. Oui, alors, c'était qui? Qui c'est qui a joué? Papu Mbappé. Ah bon? Oui. Tu veux bien parler dans le micro, Zinedine? Oui. Les gars, n'a pas fait, c'est Nanon. Non, il a pas joué, Mbappé. Il a pas joué, Zinedine. C'est... Mais non, la France, ils ont pas joué. Ils ont pas joué. Zinedine, tu crois encore dans la Coupe du Monde, encore, Zinedine? Tu pourras demander à Marc. Hein, Marc, est-ce que c'est vrai que Mbappé, il a joué? Mais il joue pas que pour l'équipe de France, il joue pour une autre équipe aussi. Pour le PSG. Le Paris Saint-Germain, ils ont joué aussi, le Paris Saint-Germain. Mais j'avais pas vu Mbappé quand j'ai regardé le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, il a joué, là? Non, alors, pas encore. Oh, j'ai pas regardé la suite. La suite de? De Paris Saint-Germain? La suite de la finale? Mais si, je vois, moi. Mais que j'ai regardé la moitié. J'ai regardé, et là, à la mi-temps, j'ai pu regarder après. C'est Mbappé, c'est gagné. Mbappé gagné. Toi, t'as regardé le match de foot? La coupe? Oui. J'ai gagné. C'était quand, ça, Zinedine? Un mercredi. Attendez. Si c'était un mercredi, parce qu'il y avait Camping Paradis. Et c'est tous les mercredis. Camping Paradis. C'est là la pub. Alors attendez, je crois qu'on va demander à Marc, parce que foot, il connaît. Est-ce qu'il y a eu une coupe? Est-ce qu'il y a eu un truc ces jours-ci? Oui. Attends. Oui, il y en a. Il y en a tout le temps du foot. Alors, il y a la Coupe de la Ligue où Paris Saint-Germain s'est fait virer. Et par contre, ils sont qualifiés pour les, je crois, les quarts de finale de Coupe d'Europe. C'est bien. Ah. Alors, Zinedine, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit, Marc? Ouais. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi de gagné? Le Paris Saint-Germain s'est fait virer. Ils sont qualifiés pour la finale du la Coupe d'Europe. Ouais. Mais comprends. Mais attends, Marc. Zinedine, attends. J'avais pas vu Mbappé, moi, dans le Paris Saint-Germain l'autre fois. Bah, je sais pas. Toi, t'as vu le match, moi, je l'ai pas vu. Comme mon frère, il avait dit que, à bout de ça, que Mbappé, il s'est fait un peu disqualifié. Qu'il avait fait un croche-pied à quelqu'un. Il a peut-être eu un carton rouge. Quoi? Il a peut-être eu un carton rouge. Voilà, un carton rouge. Ah, carton rouge. Alors, non, tu vois, si. Bah, pourquoi tu dis non, Zinedine? Ben si, il a eu un carton rouge, apparemment. Non, d'accord. Oui, non, voit un jour, moi. Toi, t'es pas d'accord? Ouais. Moi, il y a un gros pige. Oui, mais c'est pas parce que tu aimes bien Mbappé qu'il ne peut pas avoir un carton rouge. Non, pige. C'est pas un saint, Mbappé. Ben oui, Zinedine. Tout le monde peut faire des erreurs, tu sais. Non. Hein? Ben si. D'accord. N'importe qui peut faire des erreurs. Si, il n'y a pas... Porte de faux. Faux. Feu. Feu quoi? Faux. But. Oui. Feu. Le feu but. C'est un des buts. Ben, t'es vraiment un grand fan d'Mbappé, toi. Hein? Oh là là. Oui. Tu ne vois qu'à travers lui. Hein? Mais lui, c'est les soirs quand il dort. Oh, Mbappé. Montre-moi tes genoux de feu. C'est vrai, Zinedine, tu rêves d'Mbappé? Ouais. Wouh. Wow. Et tu dis, montre-moi mes biscottos, Mbappé. Vas-y, relève-toi, tu sais. Alors, Zinedine, est-ce que tu as des posters dans ta chambre? Non. D'Mbappé. Parle dans le micro, Zinedine. Non. Non. Est-ce que tu as un t-shirt, Mbappé? Non. Non. Est-ce que tu as un ballon? D'Mbappé. Et vous voulez pas nous, vous voulez? Est-ce que t'as un ballon à Mbappé? Est-ce que t'as un ballon qui est dessus Mbappé? Marqué non. Mbappé. Non. T'as alors, tu as Mbappé dans la tête. Et puis dès qu'il y a un match à la télé, tu regardes alors. Mbappé n'est gagné. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Zinedine, est-ce que t'as aussi un bonhomme d'Mbappé? Non. Alors Zinedine, est-ce que tu regardes le foot avec papa ou maman? Attends, je connais gagné Mbappé. Zinedine, tu n'as pas répondu à la question. Tu regardes le foot avec papa ou maman? Papa, oui. Ah, avec papa. Maman, elle n'aime pas le foot? Non, elle n'a regardé papa. Moi. Tu regardes, attends, tu regardes tout seul? Ou avec papa ou avec maman? Maman, elle travaille. Maman, elle travaille. Oui, oui, donc elle travaille maison. Oui. Ah oui, alors pendant que toi, tu regardes le foot, maman, elle fait le ménage, elle des frères et sœurs, c'est ça? Oui. Ah bah oui, ah bah oui. Hé, Zidi, il n'est pas plus le coup. La coupe. Les gars, il n'est pas plus. Toi, t'es là, t'as ton paquet de cidre, ta maman, elle aspire à côté. Oui, Timothée. Ton papa, il voit une canette de coca. Attendez. Zinedine, là, il a tout plein d'Mbappé dans la tête. Oui. Il dit Mbappé. Ça joue Mbappé quand il sera un peu vieux, Maintenant, il est jeune, hein. Un jour, le jour qu'il sera décédé, il pleurera, Zinedine. Non, il n'a même pas vu. Mets ton mouchoir dans la poche, Zinedine. Hein, Corinne. Il va embrasser Mbappé. Zinedine, j'ai une petite question. Est-ce que Samy et Karim, ils regardent le foot avec toi? Non. Bon, tes frères, ils sont pas fans du foot. Laisse le micro. Non. Il n'y a que toi qui regardes. Et t'as dit... Bon, Timothée, vas-y. Moi, je suis très fan du foot. Hein. Ah, tu regardes avec papa, toi? Oui. Oui, papa, c'est un fan de foot. Hein. Moi, je suis fan de dans la France. Moi aussi. Je suis fan de la France et puis de Paris Saint-Germain. Toi aussi, tu regardes les matchs de foot? Moi, j'en ai juste la France quand c'est la Coupe du Monde. Toi, c'est que la France, toi. Quand il y a la France et Paris Saint-Germain, je regarde. Ah oui. Voilà, que la Coupe du Monde. Non, quand c'est Lyon. Papy n'est gagné la Coupe. Quand c'est Lyon, Marseille, j'aime pas, alors je la regarde pas. Camille, tu regardes le foot? Non. Moi, je regarde le rallye, c'est mieux. Oh, lui, il est fou, rallye. Et à part le foot, vous regardez d'autres sports ou... Ah, moi. Ah, Timothée, vas-y. Non. Quand tu marques un but, les France, bah je crie fort. Hein. Tu cries fort? Ah, vas-y, tu fais quoi? Tu dis ouais, on a marqué un but, Zinedine, les micros, c'est pas possible. C'est bruyant aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, vous n'avez pas répondu à la question que je viens de poser. Et chacun son tour, pas tous en même temps et pas en criant. Est-ce que vous regardez d'autres sports que le foot? Non. Non. Non. Zinedine, non. Laisse le micro. Bah quoi? Dis. Ayou. Ajon. Ajon. C'est quoi ça? La voiture? Zinedine. Le pétanque? Zinedine, à part le foot, tu regardes quoi? Et... Est-ce que tu regardes le tennis? Non. Non. Le handball? Non. Les pétanques? Le rugby? Non. Bah rien alors. Et Corinne? Si. Ah bah quoi? La pétanque. La pétanque. Mais c'est un sport, la pétanque. Bah oui, non mais c'est sûr. Azon. Azon. Le dinosaure. Oui. Non bah dinosaure, c'est pas un sport ça. Hein. Non. La gymnastique. Les fléchettes. Le sport des fléchettes. La gymnastique. Fléchettes. C'est un sport, Corinne. Oui, bah Zinedine, attends. Hein. Alors, est-ce que tu regardes, toi? Les fléchettes? Bah oui. Non, c'est nuance, ça arrête. C'est quoi? T'as des mecs qui balancent des fléchettes. Hein. Il y a des mecs vélo. Qui balancent des fléchettes, puis alors? Moi, je peux faire le rugby. Ah, le rugby, sport d'homme, quoi. Ça. C'est des sports d'homme. Ouais. Le vélo? Et ballon, c'est quoi? Oui. C'est ce que je regarde. Oui. Le rallye. Le rallye, oui. Casper aussi reconnu, Corinne. Mais est-ce que j'ai dit quelque chose? Dans la neige, je regarde. Dans la neige, oui. Et le rallye, je l'ai fait à tenue avant. Ok, oui. J'ai une question. Mais c'est pas pour ça, je voulais dire. Mbappé, c'est le chouchou de la bande de la France, c'est le plus jeune, en vrai. Bon, oui, ça doit être oui. Marc, il dit oui. Heureusement qu'on a Marc, hein. Hi. Marc, c'est notre... Le dieu du foot. C'est notre sauveur. C'est notre encyclopédie. Oui, Marc, c'est tout, hein, du foot. Hein. C'est tout, Marc. Hein. Il a un gros carnet, c'est lui. Hop, le match de foot. Écrit Mbappé, écrit foot. Ah, il a tout dans sa tête. Il n'a pas sur un carnet, Christophe. Vas-y, le carnet, là. Corinne, il triche un peu, il regarde sur Internet, à mon avis. Il triche, tu crois? Ah oui, là, on a sur Internet. Quoi? Marc, il a un ordinateur. Alors, il peut taper... Quel est le score de Paris Saint-Germain? Non, il a... Attends, attends. Timothée était témoin, je triche pas. Non, tu triches pas. Ah, alors, vous avez entendu? Aussi, il ne triche pas, il si, le sait. Tu vois, il va sur Internet, il joue à des jeux. Christopher, toi, tu dis toujours des trucs... Non. Tu prêches le faux pour savoir le vrai. C'est la technique, je me rappelle, tu sais, quand c'était la technique, c'était à côté de Marc. T'es, on fait écouter. Ouais, oui. Marc il était comme non. Ça, il avait un jeu de cartes. Oui, mais Marc, le temps adulte. Que vous discutez, mais il fait bien ce qu'il veut. Corinne, ouais, il va pas être là. Corinne. Ah, voilà. Il avait un jeu de cartes sur l'ordinateur et des mots croisés. Il devrait discuter avec nous à la place de jeu au jeu. Il a raison, Christophe, je vois, je regarde. C'est pour ça que je regarde s'il gagne ou pas. Non, il a croit de jouer au jeu. Allez, il est comme ça, c'est bon, Marc. Bon, s'il vous plaît, vous arrêtez. Parce oui. Que là, ça devient... Vous voyez bien, Marc, il discute avec nous, tout ce qu'on parle, tout ça. Bah, Marc, il intervient, non, quand on lui demande. Oui, oui mais qui discute plus avec nous. Ah qui, oui. Qui vient quand on raconte des, quand on raconte des trucs qui viennent... Bah, qui écoute... Bah, qui parle avec nous, quand voilà. Il parle avec nous de quoi? Du truc qu'on parle. Bah, des infos. Tout ça. Quoi? Disons qu'il faudrait que Marc il vous donne les infos, quoi. Oui. Ouais. Hein, vous seriez quitte d'écouter la radio, tu laisses le micro. Voilà. C'est ça? Voilà. Voilà, c'est Marc, je travaille à votre place. Mais non, hein? Mais qui... Quand nous, on dit une info, qu'il vienne aussi nous aider, hein, l'info. Bah oui, quand vous dites un mot hein, pour une info, que Marc il vienne amener tout le reste. Oui. Ouais. Ben non, non. Le but, c'est bien que vous creusiez un petit peu plus, hein. C'est trop facile autrement. Ça sert à rien de venir à la radio. Bah, c'est pas que ça sert à rien, mais autrement, vous préparez rien du tout, vous réfléchissez à rien, vous regardez pas les infos à télé ou vous écoutez pas la radio. Donc c'est aussi pour vous ouvrir un petit peu. Hein. Corinne, c'est quand qu'on fait le quiz? Hein? Oui, Timothée. C'est parce que c'est parce que Marc il a de la mémoire. Ah, c'est pour ça. Vous avez entendu? Oui, Marc, il a de la mémoire. Il a une carte SIM dans la tête. Marc, il a de la mémoire. Il est gentil. Il est mignon. C'est qu'on parle. Non. Corinne. Si, il savait même pas comment. Ben, Marc, il savait. Oui, tu le savais. Il s'informe. Non. Ben, moi, je ne savais pas non plus. Hein. Corinne. Enfin, on a sur Internet, c'est facile. Oui. Corinne, il est gentil. Qui? Marc. Ah. Ben, oui, il n'a jamais mangé personne. Il devrait manger des crêpes, peut-être. Il devrait faire un gros gâteau à Marc. Oui, un gros gâteau. Et Marquerait, c'est bien, Marc, continue comme ça. Ah oui, et Corinne, quand ça va bientôt les vacances, ah oui, faire c'est bientôt les vacances. Comme ça, un petit gâteau à Marc. Comme ça, on l'envoie avec du papier cadeau et on lui donne, tiens, Marc, et on pourra goûter avec lui le gâteau. Non, Corinne. Oui, bon, dans les jours de la radio, tu on fait quoi? On fait un petit gâteau, on donne à Marc. Corinne, on te revoit le jour, bah, quand, le jour d'année, bah, le dernier jour, on pourra faire un petit goûter avec Marc, Marion. Un petit goûter. Voilà, on fait tout là, et puis on goûtera. Ah bon. Oui. Et on fait aussi l'apéro. Et puis on mange avec lui, à repas. Ah oui, on mange chez lui. On mange, tu vois. Ça y est, vous voulez pas faire la On va faire... Et on va faire et on dort chez lui. On va faire le camping. Et on va faire la piscine. Marc, est-ce qu'on pourrait quand même passer la chanson de Camille? Parce qu'elle va nous bouder, là. Timothée, on n'aura pas le temps. Hein. Allez, on passe la tienne, d'accord? C'était quoi, celle de Timothée? Big Flo, oui. Big Flo. Et Oli. Ah oui, pas grand-chose.

Ensuite, Juliana, qu'as-tu fait hier après-midi? Peinture avec Claude. Zinedine, qu'est-ce que tu as fait hier après-midi? Hier après-midi. Ouais. Piscine. Hier après-midi. Chut. C'est, tu t'appelles Zinedine? Ouais, réveille. Tu sais, toi. Zinedine, tu as fait quoi hier après-midi? Bon, les Zinedine réfléchir. Christopher. Et... Comment? Christopher. Quel film as-tu regardé hier soir? Hier soir, c'est moi? Oui. Attends, qu'est-ce que hier soir, j'en dernier, c'est moi? On voit tellement plein. Ah oh bah oui, t'en vois tellement plein, oui, mais c'était hier soir. Hier soir. Pâté 5. Non, pâté 5. Un truc récent, un truc vieux. Mais ce que t'as regardé hier soir, c'est quand même pas que ce soit récent ou vieux, ça n'a pas d'importance. Hier soir, attends. Qu'est-ce qu'il y a hier soir comme film? Hier soir, mardi. Il n'y avait pas de film hier soir. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu as regardé hier? Regardé les infos. Oui. Après, j'allais me coucher. Ah bah voilà, bon, bah, voilà, tu as répondu. Hein. Timothée, qu'as-tu fait avant d'aller au lit hier soir? Avant d'aller au lit? Oui. Bah, j'ai... Ah. Pourtant, c'est pas vieux, hein? C'était hier soir, Timothée. Hier soir? Bah oui, avant d'aller au lit, qu'est-ce que tu as fait? Ah, hier soir? Oui, hier soir. Je sais pas. T'as pas dessiné? T'es pas, je sais pas moi, t'as pas brossé tes dents, t'as pas lu une histoire, t'as regardé pas... les infos. T'as fait quoi? J'ai fait un dessin. Un dessin. On va d'aller au lit? Non. Bon. Camille, qu'est-ce que tu as fait? Réfléchis, Timothée, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Du cassoulet. Ah ben voilà, tout ça c'est rapide. Zinedine, je reviens sur toi. Qu'est-ce que tu as fait hier après-midi? Pas. Quoi? Il a dit du sport. Ouais. Hier après-midi. Hier après-midi, t'as fait sport. T'es mardi, hein? Mardi. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait le mardi? Tais-toi. Je peux te dire un peu un petit mot parce que non, parce que médiathèque. Oh. Livre, les livres. Mais médiathèque. Oui, la médiathèque. Prends c'est ça. Non mais parle dans le micro, Zinedine. Oui. Oui ben, quoi? Oui, mais tu te rappelais plus. Ouais. Et Timothée alors, c'est revenu là? Bon, c'est mes dents. Ouais. Bon, bah voilà, bah, mine de rien, voilà, on a passé du temps là-dessus. Et toi, Corinne? Et il faut. Et toi, Corinne, brosser les dents, la dernière chose. Et là, regardez, on n'a plus du tout de temps, il faut tout de suite rendre l'antenne. Vous pouvez dire au revoir, s'il vous plaît. Au revoir, Vous allez me manquer, mes amis. Ça passe trop vite, hein? J'aime bien quand ça passe. La petite Noé veut plus parler. Canoé. La Mikao, ma Mikao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Kawamel. Monsieur Hannibal.